Chapitre 15. La marquise n'avait pas voulu parler à Bijou le soir. Elle craignait de troubler sa nuit, et ce fut le lendemain matin seulement qu'elle la fit appeler chez elle. La jeune fille arriva toute gaie et fit une petite moue désappointée quand sa grand-mère lui annonça qu'elle avait des choses très sérieuses à lui dire. « Il s'agit, commença Madame de Bracieux, d'un de mes bons amis, qui est aussi le tien. » Bijou l'interrompit. « Monsieur de Clagny. » « Oui, monsieur de Clagny, tu as dû t'apercevoir qu'il t'aime beaucoup, n'est-ce pas ?»« Je l'aime beaucoup aussi, beaucoup. »« Parfaitement, mais toi tu l'aimes comme un père, ou un oncle charmant, et lui ne t'aime pas comme une fille, ou comme une nièce. Enfin, tu vas être bien étonnée. » Elle demanda, craintive. « Étonnée de quoi ?»« De... il veut t'épouser, là. » Bijou murmura, l'air stupéfait, lui aussi. « Comment lui aussi ?» fit la marquise, stupéfaite à son tour. « Qui donc veut t'épouser, que tu dis, lui aussi ?» Denise rougit. « J'aurais dû vous raconter ça plus tôt, grand-mère, » dit-elle en s'asseyant sur un tabouret aux pieds de Madame de Bracieux. « Mais nous sommes si en l'air tous ces jours-ci, avec les rallyes, le théâtre, les courses et les bals, que je n'ai pas trouvé un instant. Ça n'avait d'ailleurs pas grand intérêt. « Ah, tu trouves ça à toi ?»« Dame, puisque je n'ai envie d'épouser ni l'un ni l'autre. » « Mais qui, de qui parles-tu »« D'Henri et de Jean, oui. » Jean a d'abord parlé pour Henri, qu'il avait, paraît-il, chargé de savoir si je l'autorisais à vous demander ma main. J'ai répondu que c'était à vous et pas à moi qu'il devait s'adresser. « Tu es un vrai bijou, toi. » Mais que ça n'avait aucune importance puisque je ne voulais pas l'épouser. Il n'a pas cette fortune pour toi. Ça, je n'en sais rien, et puis ça m'est bien égal. Mais Henri ne me plairait pas du tout comme mari, je le connais trop. « Ah, et Jean ?»« Jean non plus ne me plairait pas comme mari. C'est ce que je lui ai dit quand, après avoir vu que je refusais Henri, il a repris l'affaire pour son propre compte. « Ils vont bien, mes petits-enfants. Je m'explique à présent pourquoi, depuis plusieurs jours, ils font des têtes à porter le diable en terre. » Et après un silence, la marquise conclut. « Je connais maintenant ta réponse à mon pauvre Clagny. Comment la connaissez-vous ? Parce que si tu ne veux pas de tes cousins, qui sont chacun dans son genre des êtres très réussis, il est peu probable que tu veuilles du vieil ami de ta grand-mère. Lui aussi, il est réussi. C'est vrai. Mais il a près de 60 ans. Il n'en a pas l'air, mais il les a. Je le sais. Ce qui n'empêche que je n'aurais pas plus de répugnance à l'épouser qu'à épouser Jean ou Henri. Tu ne sais pas ce que c'est que le mariage, tu ne peux pas comprendre. Bijou ferma à demi ses beaux yeux clairs. « Si, » fit-elle lentement. « Je comprends très bien, grand-mère. »« Tout ça ne me dit pas ce que je dois répondre à Clagny. Il va venir aujourd'hui. Il va venir tout à l'heure. » Elle fit un mouvement, puis, après un instant de réflexion, elle dit « Vous lui répondrez, grand-mère, que je suis très touchée, très flattée qu'il ait bien voulu penser à moi, mais que je n'ai pas envie de me marier encore. » Elle ajouta, appuyant sa tête sur les genoux de la marquise, « Parce que je suis trop bien ici avec vous. »« mon bijou chéri !» murmura Madame de Bracieux, embrassant le joli visage tendu vers elle. « Tu sais que tu es toute ma joie. Mais tu ne pourras pas non plus rester toujours auprès de ta vieille grand-mère. Je ne te dis pas ça pour t'engager à faire un mariage qui serait fou. » Denise leva les yeux vers la marquise et demanda. « Fou? Pourquoi fou ?»« Parce que Clagny a 38 ans de plus que toi. Qu'il sera tout à fait à bas quand tu battras ton plein. » Et que ce genre de mariage a des inconvénients qui... Enfin, tu seras la première à les reconnaître. Bijou s'est élevée en entendant une voiture s'arrêter devant le perron. Elle regarda par la fenêtre et se sauva en disant « Le voilà !» Pendant le déjeuner, Madame de Bracieux annonça d'un air indifférent « Clagny part, il est venu me dire adieu ce matin. » Bijou dressa la tête et Jean de Blaye dit « Il part, tiens. » Il avait pourtant l'air de prendre racine dans le pays. « Oh !» fit M. de Reille. « Les racines du père Clagny ne sont jamais bien profondes. » Bijou se tourna vers sa grand-mère. « Quand part-il » demanda-t-elle inquiète. « Mais tout de suite, demain, je crois. Du reste, nous le verrons ce soir à Tourville. Il ira au bal pour rencontrer tous ceux à qui il veut dire adieu. » « Et il ne va pas aux courses ?»« Non, il fait ses mal. » « Et notre revue, demain ?» s'écria Denise, navrée. « Il m'avait tant promis de venir la voir. » La marquise regarda sa petite fille et pensa que, décidément, même avec un cœur exquis, la jeunesse est sans pitié. L'entrée de Bijou au bal des Tourville fut un véritable triomphe. Elle était, dans cette robe de crêpe rose qui se confondait avec sa peau, infiniment jolie et rare. « Regardez donc la petite Dubuisson, » dit Louis de la Balue à M. de Jusancourt. « Elle a cherché à ressembler à Mademoiselle de Courtais. Elle a exactement copié sa toilette. Et voyez de quoi elle a l'air. De sa femme de chambre, tout au plus. À quoi ça tient-il ?» M. de Jusancourt répondit avec un rire épais. « C'est que, si le contenant est pareil, le contenu ne l'est pas. » « Est-ce qu'elle ne se marie pas, la petite Dubuisson ?»« Si, elle épouse un jeune huguenot qui doit être quelque part dans quelque coin. »« Ah non, il n'est pas dans un coin. Le voilà qui papillonne comme les autres autour de Bijou. » Jusancourt demanda. « Et vous, vous ne papillonnez pas ?»« Moi ?»« J'épouserai bien, moi. Parce qu'il faut un jour ou l'autre se marier. Sans ça, les parents crient, à cause du nom, vous savez. Mais papillonner, ah, ma foi, non, ça ne me chante pas. » Et d'un pas traînant, il se dirigea vers Henri de Bracieux, auquel il dit, la voix et le regard voilés, « Quelle chaleur, n'est-ce pas ? Vous avez de la chance de ne pas rougir. Vous avez d'ailleurs une de ces peaux, c'est vrai. Vous avez l'air d'un Hercule. Et malgré ça, la peau est d'une couleur et d'un grain. » Comme il se pencha vers lui, l'air attendri, Henri lui cria de sa grosse voix sonore et pleine, « Ah, vous m'embêtez avec ma peau !» Et laissant le petit Labalu planté au milieu du salon, il alla retrouver Jean de Blaye, qui de loin regardait mélancoliquement Bijou s'embrouiller dans les danses pour lesquelles se présentaient à la fois six danseurs. Quand M. de Clagny s'approcha, voulant saluer Denise, elle lui dit, sans même répondre à son salut, « Grand-mère m'a dit que vous alliez partir. Je suis sûr que c'est à cause de moi. » Il fit signe que oui. Alors elle lui prit le bras, et l'entraînant dans un salon presque désert, « Je vous en prie, supplia-t-elle, je vous en prie, ne partez pas. » Il répondit, très ému, « Je vous en prie à mon tour, Bijou, ne me demandez pas l'impossible. Je n'ai pas su rester près de vous sans devenir aussi fou que les autres. J'ai rêvé, comme rêvent les fous. À présent que tout est fini, il faut que je tâche de redevenir sage et d'oublier mon rêve, et pour ça, il faut que je m'en aille, loin, très loin. » Elle demanda, « Vous aviez cru que je dirais oui ? Je vous voyais avec moi, si bonne, si délicieusement gentille et confiante, que j'avais espéré, mon Dieu, oui, que peut-être vous laisseriez aimer. » Elle dit, songeuse. « Alors, c'est ma faute si vous avez espéré ça ? » ?»« Ce n'est pas votre faute, c'est la mienne. On espère ce qu'on désire. » »« Si, je suis sûre que j'étais avec vous telle que je n'aurais pas dû être. » Ses yeux se remplirent de larmes et elle murmura, humble presque, « Je vous demande pardon. »« Bijou !» s'écria M. de Clagny, affolé. « Mon bijou, c'est moi qui dois vous demander pardon de vous avoir un instant attristé. »« Eh bien, soyez bon, ne partez pas, pas demain du moins. Promettez-moi que vous viendrez demain à Bracieux voir jouer la revue. »« Oh, ne me dites pas non. » »« Et après, je vous parlerai, mieux que ce soir. » Elle ajouta en posant sur lui son regard lumineux. « Vous ne regretterez pas d'être venu. » Puis, arrêtant Jean de Blaye qui passait, elle demanda, « Galine, veux-tu me faire valser, dit, tu valses si bien. » Et, s'appuyant à son épaule, elle disparut au nez de Pierrot qui accourait pour réclamer sa valse. « Laisse donc ta cousine tranquille, » fit M. de Jonzac, qui, assis sur un divan, regardait danser. « Tu es beaucoup trop jeune pour inviter des jeunes filles, des vraies jeunes filles comme Bijou. »« Ah, à quel âge est-ce que je les inviterai ?» C'est pas non plus au tien, j'imagine. Tu as vraiment des façons de parler. Dis donc pas. Pourquoi Jean et Henri disent-ils que le petit Labalu marque de plus en plus mal? Le petit Labalu, mais je ne sais pas. Ils ont dit qu'il se peinturlurait, c'est vrai. Et qu'il marquait de plus en plus mal, pourquoi? Si tu as envie de savoir pourquoi, tu n'as qu'à demander à tes cousins, ils te le diront. Ils ne veulent pas, je leur ai demandé, et Jean m'a répondu, fiche-nous la paix. Est-ce qu'on va bientôt s'en aller ? S'en aller ? Mais ta cousine danse certainement le cotillon. C'est moi qui étais bête de venir ici au lieu de rester avec M. Giraud et M. l'abbé. Tiens, au fait, pourquoi n'est-il pas venu, M. Giraud ? Bijou avait demandé une invitation pour lui. Oui, mais il n'a pas voulu. Il est triste, triste depuis quelque temps. Il ne mange pas, Il ne dort pas non plus. Au lieu de se coucher, il s'en va se promener toute la nuit au bord de la Loire. Tu ne sais pas ce qu'il a ? Je crois qu'il a Bijou. Comment il a Bijou ? Oui, comme Jean, comme Henri, comme Paul. Tu vois bien, pas, qu'ils sont tous à courir après elle, n'est-ce pas ? Sans parler du père Clagny, qui ne compte plus. Il s'arrêta un instant et acheva, l'air attristé. Et de moi, qui ne compte pas encore. Tu exagères beaucoup tout ça, dit M. de Jonzac, très convaincu que son fils voyait juste, mais n'en voulant pas convenir. Bijou est certainement très joli, et il n'est pas surprenant que... Pierrot l'interrompit vivement. C'est pas seulement jolie qu'elle est, c'est bonne et intelligente et gaie et tout. On a rudement raison de l'aimer, allez, papa, si j'avais seulement 25 ans. Si tu avais 25 ans, mon pauvre bonhomme, elle t'enverrait promener comme les autres. Pierrot répondit, philosophe, mais chagrin tout de même. C'est bien possible. Et montrant Bijou qui, debout au milieu du salon, causait avec Jeanne Dubuisson. Est-elle assez jolie, hein, papa? Regarde-la. Elle est habillée absolument comme Jeanne. Leurs robes sont pareilles, point sur point, comme dit la mère Raffut. Je suis sûr que si on les mélangeait quand elles ne sont pas dedans, on ne pourrait plus les démêler après. Et comme ça, sur leur dos, ça ne se ressemble pas. Crois-tu que je peux me risquer à l'inviter, dit papa Jeanne Dubuisson? Ma foi, oui. Elle est assez bonne fille pour accepter. Elle accepta, en effet, et s'éloigna au bras de Pierrot. Alors M. Spiegel vint à Denise et l'invita pour la valse qui commençait, mais elle fit non, la tête, en disant « Je suis si fatiguée, si vous saviez. » Il insista « Rien qu'un tout petit tour, voulez-vous? Je n'ai pas, depuis le commencement de la soirée, pu obtenir une pauvre valse de vous. Non, je vous en prie, je voudrais me reposer, je... » Et prenant tout à coup son parti, « Eh bien non, je sens que je m'en très mal. Je ne suis pas fatigué du tout. Mais je ne veux pas balser avec vous parce que... »« Parce que ?»« Parce que j'ai peur de faire de la peine à Jeanne, là. » Il répéta, surpris. « De la peine à Jeanne, pourquoi ?»« Ça a l'air très vaniteux, ce que je vais vous dire là, mais il faut que je vous le dise tout de même. »« Eh bien, je crois que Jeanne vous adore, à tel point qu'elle est jalouse de qui vous approche, ou vous parle, ou vous voit même. » Mécontent, les sourcils relevés, son doux visage subitement durci, M. Spiegel demanda « Elle vous l'a dit ?» Bijou répondit, avec l'empressement gêné et maladroit de quelqu'un qui se voit obligé de mentir « mais non, c'est moi qui ai deviné ça. Moi toute seule. J'aime tant Jeanne, voyez-vous. Je sais tout ce qui se passe en elle, et je serais si malheureuse de lui causer un chagrin, ou même l'ombre d'une inquiétude. Comprenez-vous ce que je vous dis là ?» « Je comprends que vous êtes un ange de bonté, mademoiselle, et qu'ils ont raison, ceux qui vous aiment. » Bijou, les yeux à terre, la respiration un peu oppressée, le teint subitement coloré, les narines agitées d'un imperceptible battement, écoutait sans répondre le jeune professeur. Alors il passa son bras autour d'elle, saisit la petite main souple qu'elle lui abandonna, et l'entraîna au milieu des valseurs. M. Spiegel valsait à ravir à 3 temps. Et Bijou adorait la valse. Toute rose, les yeux à demi fermés, les lèvres entr'ouvertes sur des petites dents éclatantes, la taille cambrée contre le bras du jeune homme, elle tourna tant que l'orchestre joua. Plusieurs fois elle passa sans la voir près de la pauvre Jeanne, cahotée par Pierrot, qui lui sautait sur les pieds ou la cognait éperdument à un meuble quelconque. Et lorsqu'entre-temps Jeanne s'arrêtait pour reprendre haleine, Pierrot lui parlait avec volubilité de sport ignoré d'elle absolument. « Voyez-vous, disait-il en avançant fièrement son pied énorme et son formidable genou, je suis un médiocre danseur, mais un très bon joueur de football. L'équipe de notre lycée viendra cet hiver courir un match avec l'équipe de Pont-sur-Loire. Vous devriez voir ça, ça sera très chic. Moi, je joue arrière. Vous verrez quel beau plaquage. » Comme Jeanne, sans répondre, suivait d'un œil inquiet son fiancé qui passait et repassait devant elle, heureux d'emporter Bijou dans ce tournoiement rapide et doux, il demanda « Je vous ennuie. Voulez-vous que nous repartions ?»« Non, » dit-elle, la voix changée. « Je me sens un peu mal à l'aise. J'ai trop chaud. Voulez-vous me conduire auprès de papa qui joue là-bas? Je voudrais m'en aller. » Tandis qu'ils allaient retrouver le paisible M. Dubuisson, Bijou arrêtait M. Spiegel à côté de l'orchestre et lui disait en riant « Mais vous êtes donc enragé? Il faut souffler un peu, pourtant. D'ailleurs, voilà la valse qui finit. » Elle regarda les 4 malheureux musiciens, piteux à voir, avec leurs habits graisseux, leurs chemises fripées et leurs fronts ruisselants, et tout à coup s'écria « Ah, monsieur Sylvestre, bonsoir, monsieur Sylvestre, ah, bien, si je m'attendais à vous voir. » Le pauvre garçon releva brusquement la tête et balbutia, en fixant sur Bijou ses yeux d'un bleu tendre où se lisait une détresse infinie. « Je ne m'attendais pas non plus à être vu, mademoiselle. »